Chapitre 45e. Le jour du grand bal donné par Madame de Mirecourt était arrivé. À cette fête brillante, les trois prétendants à la main de Mademoiselle de Beauménil devaient se rencontrer avec elle. Cette importante nouvelle, que la plus riche héritière de France allait faire ce soir-là son entrée dans le monde, était le sujet de toutes les conversations, l'objet de la curiosité générale, et faisait oublier la récente et triste nouvelle d'un suicide qui jetait dans la désolation l'une des plus illustres familles de France. Madame de Mirecourt, la maîtresse de la maison, se montrait franchement glorieuse de ce que son salon eut l'étrenne de Mademoiselle de Beauménil. Cela se dit en argot de bonne compagnie. Et elle se félicitait intérieurement en songeant que ce serait probablement chez elle que se conclurait le mariage de la célèbre héritière avec le duc de Senneterre. Car, toute dévouée à la mère de Gérald, Madame de Mirecourt était l'une des plus ardentes entremetteuses de cette union. Postée, selon l'usage, dans son premier salon afin d'y recevoir les femmes à leur entrée chez elle et d'y être saluée par les hommes, Madame de Mirecourt attendait avec impatience l'arrivée de la duchesse de Senneterre. Celle-ci devait être accompagnée de Gérald et avait promis de venir de bonne heure. Cependant, elle n'arrivait pas. Un grand nombre de personnes attirées par la curiosité encombraient, contre l'habitude, ce premier salon, afin d'être des premières à percevoir Mademoiselle de Beauménil, dont le nom circulait dans toutes les bouches. Parmi les jeunes gens mariés, il en était bien peu qui n'eussent apporté un soin plus minutieux que de coutume à leur toilette. Non qu'ils eussent des prétentions directes, avouées, mais enfin, qui sait? Les héritières sont si bizarres. Et qui peut prévoir les suites d'un entretien, d'une contredanse, d'une première et soudaine impression? Aussi chacun, en jetant un dernier et complaisant regard sur son miroir, se rappelait toutes sortes d'aventures incroyables, dans lesquelles d'opulentes jeunes filles s'énamouraient d'un inconnu qu'elles épousaient contre le vœu de leur famille. Car tous ces dignes célibataires, d'une vertu rigide, n'avaient qu'une pensée, le mariage, où ils poussaient le scrupule, l'honnêteté si loin, ils aimaient tant le mariage pour le mariage même, que l'épouse ne devenait plus guère à leurs yeux qu'un accessoire. Chaque célibataire, selon le caractère de sa physionomie, s'était donc ingénié à se mettre en valeur, les beaux à se faire encore plus beaux, plus conquérants, ceux d'un extérieur peu agréable au lait se partageaient l'air spirituel ou mélancolique, enfin, tous se disaient, ainsi que l'on fait lorsqu'on s'est laissé prendre au piège tentateur de ces loteries allemandes qui offrent des gains de plusieurs millions. Certes, il est absurde de croire que je gagnerai un de ces lots fabuleux. J'ai contre moi je ne sais combien de millions de chances, mais enfin, l'on a vu des gagnants. Quant aux personnes dont se composait la société de Madame de Mirecourt, elles étaient à peu près les mêmes qui avaient assisté quelques mois auparavant au bal de jour donné par Madame de Senneterre, et qui, lors de cette fête, avait pris plus ou moins part aux conversations dont la mort présumable de Madame la Comtesse de Beauménil avait été le sujet. Plusieurs de ces personnes se rappelaient aussi la curiosité qu'avait inspirée à cette époque Mademoiselle de Beauménil, alors en pays étranger et que personne ne connaissait. La plupart des invités de Madame de Mirecourt allaient donc enfin avoir dans cette soirée la solution de ce problème posé quelques mois auparavant. La plus riche héritière de France était-elle belle comme un astre ou laide comme un monstre, luxuriante de santé ou malingre et phtisique? Et l'on se souvient que les fins gourmets en fait d'héritière avaient prétendu que rien n'était en ce genre plus délicat et plus recherché qu'une orpheline poitrinaire. 10 heures sonnaient. Madame de Mirecourt commençait à s'inquiéter. Madame de Senneterre et son fils ne paraissaient pas, et Mademoiselle de Beauménil pouvait arriver d'un moment à l'autre. Or, il avait été convenu qu'Ernestine serait pendant toute la soirée escortée de Madame de la Roche-Aiguë et de Madame de Senneterre, et que celle-ci ménagerait adroitement à Gérald la première contredanse avec l'héritière. À chaque instant, le monde se succédait plus pressé. Parmi les nouveaux venus, M. de Mornant, suivi de M. de Raville, alla, de l'air du monde le plus désintéressé, saluer Madame de Mirecourt, qui l'accueillit à merveille et lui dit très innocemment, sans croire rencontrer si juste. Je suis sûr que vous venez un peu pour moi, monsieur de Mornant, et beaucoup pour voir la lionne de cette soirée, mademoiselle de Beauménil. Le futur ministre sourit et répondit avec une infernale diplomatie. « Je vous assure, madame, que je suis venu tout naïvement pour avoir l'honneur de vous présenter mes hommages et assister à une de ces fêtes charmantes que vous seule savez donner. » Et M. de Mornant, s'étant incliné, s'éloigna de Madame de Mircourt et dit tout bas à de Raville « Va donc voir si elle est dans les autres salons. Moi, je reste ici. Tâche de m'amener le baron si tu le rencontres. » De Raville fit un signe d'intelligence à son Pylade, se mêla au groupe et se dit, en pensant à sa rencontre de la veille, dont il s'était bien gardé de parler à M. de Mornant, « Ah, cette héritière s'en va seulette, en grisette, dans des quartiers déserts, et revient trouver cette abominable Madame l'aînée, qui l'attend complaisamment en fiacre. Je ne m'étonne plus si cette indigne gouvernante m'a déclaré net il y a 15 jours que je ne devais plus compter sur son influence, que j'avais espéré si bien escompter. » Mais au profit de qui favorise-t-elle cette intrigue de la petite de Beauménil? Car il doit y avoir nécessairement là une intrigue. Ce grenier de Mornant n'y est pour rien, je l'aurais su. Il faut que je démêle le vrai de tout cela, car plus j'y songe, plus il me semble qu'il y a là motif à faire chanter la poule aux œufs d'or. Et sur ce, observons. Au moment où le cynique se perdait dans la foule, la duchesse de Sainte-Terre arrivait, mais seule, et la figure altérée par une vive contrariété. Madame de Mircourt se leva pour aller au-devant de Madame de Sainte-Terre, et avec cet art que les femmes du monde possèdent à un si haut degré, elle trouva moyen, au milieu de 100 personnes, et en ayant l'air d'adresser à la duchesse des banalités d'usage, d'avoir avec elle à demi-voix l'entretien suivant. « Et Gérald ?»« On l'a saigné ce soir. »« Ah, mon Dieu, qu'a-t-il donc ?»« Depuis hier, il est dans un état affreux. » « Et vous ne m'avez pas prévenu, chère duchesse ?»« Jusqu'au dernier moment, il m'avait promis de venir, quoiqu'il souffrît beaucoup. »« C'est désolant. Mademoiselle de Beauménil peut arriver d'un moment à l'autre, et vous l'auriez chambré dès son entrée. »« Sans doute. Aussi, je suis au supplice. Et ce n'est pas tout. Quoi donc encore, chère duchesse ?»« Je ne sais pourquoi il m'est revenu des doutes sur les intentions de mon fils. »« Quelle idée ! » C'est qu'il mène une vie si singulière depuis quelque temps. Mais alors il ne vous eût pas promis encore aujourd'hui, et quoique souffrant de venir ici ce soir pour se rencontrer avec Mademoiselle de Beauménil. Sans doute. Et d'un autre côté, ce qui me rassure, c'est que M. de Maillefort, dont Mme de la Rochegue redoutait l'insupportable pénétration, et que mon fils avait imprudemment mis dans la confidence de nos projets, c'est que M. de Maillefort est pour nous, car il sait le but de la rencontre de ce soir, et il devait nous accompagner, moi et Gérald. Enfin, que voulez-vous, ma chère duchesse? Ce n'est qu'une occasion de perdue. Mais en tout cas, dès que Madame de la Rochegue va arriver avec Mademoiselle de Beauménil, ne les quittez pas. Et arrangez-vous avec la baronne pour que la petite n'accepte pour les danseurs que des insignifiants. C'est très important. Et après avoir ainsi causé quelques instants debout, les deux femmes s'assirent sur un sofa circulaire. De nouveaux personnages venaient à chaque instant saluer Madame de Mircourt. Soudain, Madame de Sainte-Terre fit un mouvement et dit tout bas et vivement à son amie « Mais c'est Monsieur de Macreuse qui vient d'entrer. Vous recevez donc cette espèce ?»« Comment, ma chère duchesse? Mais je l'ai vue 1000 fois chez vous. Et c'est une de mes meilleures amies, la sœur de Monseigneur l'évêque de Bateau-Polis, Madame de Cheverny, qui m'a demandé une invitation pour Monsieur de Macreuse. » D'ailleurs, il est reçu partout, et même avec distinction, car son œuvre de Saint Polycarpe... Eh, ma chère, Saint Polycarpe ne fait rien du tout à la chose, dit impatiemment la duchesse en interrompant Madame de Mircourt. J'ai reçu ce monsieur comme tout le monde et j'en suis au regret, car j'ai appris que c'était un bien grand drôle. Je vous dirai même que c'est un homme à chasser de partout. On parle d'objets de prix disparus pendant ses visites, ajouta Madame de Sainte-Terre, très mystérieusement et sans rougir le moins du monde de ce mensonge, car le protégé de l'abbé Ledoux n'était pas homme à s'amuser à des bagatelles. « Ah, mon Dieu !» s'écria Madame de Mircourt. « Mais c'est donc un voleur ?»« Non, ma chère, seulement il vous emprunterait un diamant ou une épingle sans songer à vous en avertir. » Au moment même de cet entretien, M. de Macreuse, qui, en s'avançant lentement, avait suivi du regard le jeu de la physionomie des deux femmes, soupçonna leur malveillance pour lui, mais vint néanmoins saluer la maîtresse de la maison avec un imperturbable aplomb et lui dit « J'aurais désiré, madame, avoir l'honneur de me présenter chez vous ce soir sous les auspices de madame de Cheverny, qui avait bien voulu se charger de moi. Malheureusement, elle est souffrante, et me charge d'être auprès de vous, madame, l'interprète de tous ses regrets. » « Je suis désolé, monsieur, que cette indisposition me prive du plaisir de voir ce soir madame de Cheverny, » répondit sèchement madame de Mirecourt, encore sous l'impression de ce que venait de lui dire madame de Senneterre. Mais le Macreuse ne se déconcertait pas facilement et, s'inclinant ensuite devant la duchesse, il lui dit en souriant « J'ai moins à regretter ce soir le bienveillant patronage de madame de Cheverny, car il m'aurait été presque permis de compter sur le vôtre, madame la duchesse. » « Justement, monsieur, » répondit madame de Senneterre avec une expression de hauteur amère, « je parlais de vous à madame de Mirecourt lorsque vous êtes entrée, et je la félicitais sincèrement d'avoir l'honneur de vous recevoir chez elle. » Je n'attendais pas moins des bontés habituelles de madame la duchesse, à qui j'ai dû tant de précieuses relations dans le monde, répondit monsieur de Macreuse d'un ton respectueux et pénétré, après quoi, saluant de nouveau, il passa dans le salon voisin. Le protégé de l'abbé Ledoux, ancien confesseur de madame de Beauménil, en vrai roué de sacristie, était trop madré, trop clairvoyant, trop soupçonneux, pour n'avoir pas senti, lors de son entrevue avec madame de Senneterre, entrevue où il s'était ouvert sur ses prétentions à la main de mademoiselle de Beauménil, qu'il venait, comme on dit vulgairement, de faire un pas de clerc, bien que la duchesse lui promît son appui. Trop tard, le Macreux s'était reproché de n'avoir pas réfléchi que la duchesse avait un fils à marier. L'accueil sardonique et hautain qu'elle venait de lui faire confirma les soupçons du pieux jeune homme, mais il s'inquiéta médiocrement de cette hostilité, se croyant certain, d'après les rapports de mademoiselle Héléna de la Rochegue, non seulement que personne n'était alors sur les rangs pour épouser mademoiselle de Beauménil, mais que celle-ci l'avait particulièrement distingué, lui, Macreuse, et qu'elle avait paru touchée de sa douleur et de sa piété. Monsieur de Macreuse, plein d'espoir, s'assura d'abord que mademoiselle de Beauménil ne se trouvait dans aucun salon, et il attendit son arrivée avec impatience, bien résolu d'épier le moment opportun, pour l'engager à danser l'un des premiers, le premier s'il le pouvait. A-t-on idée d'une impudence égale à celle de monsieur de Macreuse ? Dit madame de Senneterre, outrée à madame de Mirecourt lorsque le protégé de l'abbé Ledoux fut éloigné. En vérité, ma chère duchesse, ce que vous m'apprenez m'étonne à un point extrême, et quand on pense que l'on citait partout monsieur de Macreuse comme un modèle de conduite et de piété. Oui, il est joli le modèle. Je vous en dirai bien d'autres sur son compte. Et s'interrompant, madame de Senneterre s'écria : Enfin, voilà mademoiselle de Beauménil. Ah, quel malheur que Gérald ne soit pas ici. Allons, consolez-vous, ma chère duchesse. Du moins, mademoiselle de Beauménil n'entendra parler que de votre fils pendant toute la soirée. Restez là. Je vais vous amener, cette chère petite. Vous et la baronne ne la quitterez pas. » Et madame de Mirecourt se leva pour aller au-devant de mademoiselle de Beauménil, qui arrivait accompagnée de monsieur et madame de la Rochegue. La jeune fille donnait le bras à son tuteur. Un bourdonnement sourd, causé par ces mots échangés à voix basse, « C'est mademoiselle de Beauménil !» provoqua bientôt dans tous les salons un mouvement général, et un flot de curieux encombra l'embrasure des portes du salon où se trouvait Ernestine. Ce fut au milieu de cette agitation, de cet empressement causé par son arrivée, que la plus riche héritière de France, baissant les yeux sous les regards attachés sur elle de toutes parts, fit, comme on dit, son entrée dans le monde. La pauvre enfant comparait, à part soi, dans une ironie méprisante, cette impatience, cette avidité de la voir et surtout d'être aperçue d'elle, ces murmures d'admiration que quelques habiles mêmes firent entendre sur son passage, à l'accueil si complètement indifférent qu'elle avait reçu le dimanche passé chez madame Herbault. Aussi se sentait-elle de plus en plus résolue de pousser aussi loin que possible la contre-épreuve qu'elle venait chercher, voulant savoir une fois pour toutes à quoi s'en tenir sur la dignité, sur la sincérité de ce monde où elle semblait destinée à vivre. Mademoiselle de Beauménil, au grand désespoir des La Rochegue, et avec une soudaine opiniâtreté qui les avait confondus et dominés, avait voulu être aussi modestement vêtue que lorsqu'elle s'était présentée chez Madame Herbault. Une simple robe de mousseline blanche et une écharpe bleue, en tout pareille à celle qu'elle portait le dimanche précédent, telle était la toilette de l'héritière qui, dans cette courte épreuve, voulait paraître sans plus ni moins davantage que lors de la première. Ernestine avait même eu la pensée de s'accoutrer le plus ridiculement du monde, presque certaine que les louanges pleuvraient de toutes parts sur la charmante originalité de sa toilette. Mais elle renonça bientôt à cette folie, en songeant que cette nouvelle épreuve était chose grave et triste. Ainsi que cela avait été convenu à l'avance entre mesdames de Mirecourt, de Sainte-Terre et de la Roche-Aiguë, dès son arrivée dans le bal, mademoiselle de Beauménil, traversant avec peine les groupes de plus en plus empressés sur son passage et conduite par la maîtresse de la maison, alla prendre place dans le vaste et magnifique salon où l'on dansait. Madame de Mirecourt laissa Ernestine en compagnie de madame de la Roche-Aiguë et de madame de Sainte-Terre, que la baronne venait de rencontrer par hasard. Non loin du canapé où était assise l'héritière, se trouvaient plusieurs charmantes jeunes filles, aussi belles et beaucoup plus élégamment parées que les reines du bal de Madame Herbault, mais tous les regards étaient tournés vers Ernestine. « Ce soir, je ne manquerai pas de danseurs, » pensait-elle. « Je ne serai pas invitée par charité. Toutes ces charmantes personnes seront sans doute délaissées pour moi. » Pendant que Mademoiselle de Beauménil l'observait, se souvenait et comparait, Madame de Sainte-Terre dit tout bas à Madame de la Roche-Aiguë que, malheureusement, Gérald était si gravement malade qu'il lui serait impossible de venir au bal, et il fut convenu que l'on ne laisserait danser Ernestine que fort peu avec des personnes très prudemment choisies. Pour arriver à ce résultat, Madame de la Roche-Aiguë dit à Ernestine « Ma chère belle, vous pouvez juger de l'étourdissant effet que vous produisez, malgré l'inconcevable simplicité de votre toilette. Je vous l'avais toujours prédit sans la moindre exagération, vous le voyez bien. Aussi allez-vous être accablé d'invitations. Mais, comme il ne convient pas que vous dansiez indifféremment avec tout le monde, lorsqu'il me paraîtra que vous pouvez accepter un engagement, j'ouvrirai mon éventail. Si au contraire je le tiens fermé, vous refuserez en disant que vous dansez fort peu et que vous avez déjà trop d'invitations. » À peine Madame de la Roche-Aiguë venait-elle de faire cette recommandation à Ernestine que l'on se mit en place pour la contredanse. Plusieurs jeunes gens qui mouraient d'envie d'engager Mademoiselle de Beauménil hésitaient cependant, croyant avec raison manquer aux convenances en la priant au moment même de son entrée dans le bal. Monsieur de Macreuse, moins scrupulent et plus adroit, n'hésita pas une seconde. Il fendit rapidement la foule et vint timidement prier Ernestine de lui faire l'honneur de danser la contredanse qui commençait. Madame de Sainte-Terre, stupéfaite de ce qu'elle appelait l'audace inouïe de ce monsieur de Macreuse, se pencha vivement à l'oreille de Madame de la Roche-Aiguë pour lui dire de faire signe à Ernestine de refuser. Il était trop tard. Mademoiselle de Beauménil, très impatiente de se trouver, pour ainsi dire, en tête-à-tête avec monsieur de Macreuse, accepta vivement son invitation sans attendre le jeu de l'éventail de Madame de la Roche-Aiguë, et au grand étonnement de celle-ci, elle se leva, prit le bras du pieux jeune homme et alla se placer à la contredanse. « Ce misérable-là est d'une insolence effrayante, » dit la duchesse courroucée. Mais elle s'interrompit soudain et s'écria avec l'expression de la joie la plus vive, la plus inattendue, en s'adressant à Madame de la Roche-Aiguë. « Ah, mon Dieu, c'est lui !»« Qui cela ? Gérald ? Quel bonheur ! Où donc le voyez-vous, ma chère duchesse ? Là-bas, dans l'embrasure de cette fenêtre ? Pauvre enfant, comme il est pâle !» ajouta la duchesse avec émotion. « Quel courage il lui faut ! Ah, nous sommes sauvés !»« En effet, c'est lui !» dit Madame de la Roche-Aiguë, non moins joyeuse que son amie. « Monsieur de Maillefort est auprès de lui. Ah, le marquis ne m'a pas trompé. Il m'avait bien promis d'être dans mes intérêts, depuis qu'il sait qu'il s'agit de Monsieur de Sainte-Terre. » Pendant que Madame de Sainte-Terre faisait signe à Gérald qu'il y avait une place vacante à côté d'elle, Monsieur de Macreuse et Mademoiselle de Beauménil figuraient à la même contredanse.